dans le sens de « si tu veux » se dit « wenn », à ne pas confondre avec « wann », quand tu veux. Si, wenn, W-E-2-N, wenn, comme dans « si vous avez de la veine ». Comment diriez-vous « si vous voulez » ? Wenn Sie... Wenn Sie wollen. Bien. Wenn Sie wollen. Et nous voulons se dit... Wir wollen. Et nous le voulons. Nous voulons cela. Wir wollen es. Bien. Wir wollen es. Et nous ne le voulons pas. Wir wollen es nicht. Wir wollen es nicht. Bien, nous avons donc wollen, qui est un verbe portemanteau très important. Je parle de verbe portemanteau car ces verbes portent un autre verbe placé à la fin de la phrase et toujours à l'infinitif. Par exemple, comment diriez-vous « nous ne voulons pas le faire aujourd'hui » ? Wir wollen nicht. Laissons « nicht » pour la fin. Juste avant le second verbe, donc « wir wollen » le faire aujourd'hui. « Heute » « es heute » oui. « Nicht tun » oui. « Wir wollen es heute nicht tun » Wollen est un verbe portemanteau très important. Donc « wollen » c'est « vouloir » et « wir wollen » nous voulons. Mais « je veux » se dit « Ich. Ich will. Ich will. Oui. Et il veut. Er will. Er will. Exactement. Car pour les verbes portemanteaux, il n'y a pas de T final. On emploie la même forme pour il ou elle au singulier ou ça que pour je. On dit par exemple ich kann et er kann. Comment diriez-vous j'aimerais savoir quand vous voulez le faire? Ich möchte wissen. Bien. Ich möchte wissen. Ich möchte wissen. Quand vous voulez le faire. Wann Sie es tun wollen. Très bien. Ich möchte wissen, wann Sie es tun wollen. Et maintenant, j'aimerais savoir à quelle heure vous pouvez le faire. Ich möchte. J'aimerais savoir wissen à quelle heure um wie viel Uhr oui um wie viel Uhr vous pouvez le faire Sie es tun können bien ich möchte wissen um wie viel Uhr Sie es tun können Comment diriez-vous j'attendrai ici Ich werde ici hier attendre se dit warten. Ich werde hier warten. Bien. Ich werde hier warten. Et si vous voulez dire je vous attendrai, en allemand vous direz j'attendrai sur vous. Ich werde hier sur vous auf Sie. Ich werde hier auf Sie warten. Et comment direz-vous « je vous attendrai ici si vous voulez » ? Si se dit « wenn ». Wenn. Bien. Vous voulez ? Sie wollen. D'accord. Wenn Sie wollen. Ich werde hier auf Sie warten, wenn Sie wollen. Si vous voulez, si vous le souhaitez, wenn. Wenn Sie wollen.